Josué chapitre 14. Ce sont ici les terres que les enfants d'Israël eurent pour héritage au pays de Canaan, qu'Éléazar le sacrificateur, et Josué, fils de Nun, et les chefs des pères des tribus des enfants d'Israël, leur partagèrent en héritage. Selon le sort de leur héritage, comme l'Éternel l'avait commandé par le moyen de Moïse, savoir à 9 tribus, et à la moitié d'une tribu. Car Moïse avait donné un héritage à 2 tribus, et à la moitié d'une tribu au-delà du Jourdain, mais il n'avait point donné d'héritage parmi eux aux Lévites. Parce que les enfants de Joseph, savoir, Manassé et Ephraïm, faisaient 2 tribus, et on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, excepté les villes pour y habiter avec leurs fauxbourgs pour leurs troupeaux, et pour le reste de leurs biens. Les enfants d'Israël firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, et ils partagèrent la terre. Or les enfants de Juda vinrent à Josué en Gilgal, et Caleb fils de Jephunné Kenizien, lui dit, « Tu sais la parole que l'Éternel a dite de moi, et de toi, à Moïse homme de Dieu, en Kadès-Barnée. J'étais âgé de 40 ans quand Moïse serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnée pour reconnaître le pays, et je lui rapportai la chose comme elle était en mon cœur. Et mes frères qui étaient montés avec moi, faisaient fondre le cœur du peuple, mais je persévérais à suivre l'Éternel mon Dieu. Et Moïse jura en ce jour-là disant, « Si la terre sur laquelle ton pied a marché n'est à toi en héritage, et à tes enfants pour jamais, parce que tu as persévéré à suivre l'Éternel mon Dieu. Or maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre selon qu'il en avait parlé, il y a déjà 45 ans, que l'Éternel prononça cette parole à Moïse, lorsqu'Israël marchait par le désert, et maintenant voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Et je suis encore aujourd'hui aussi fort que j'étais le jour que Moïse m'envoya, et j'ai maintenant la même force, que j'avais alors pour le combat, et pour aller et venir. Maintenant donc donne-moi cette montagne, de laquelle l'Éternel parla en ce jour-là, car tu entendis en ce jour-là que les Anakins y habitent, et qu'il y a de grandes villes fortes, peut-être que l'Éternel sera avec moi, et je les déposséderai, comme l'Éternel en a parlé. » Josué donc le bénit, et donna Hébron en héritage à Caleb, fils de Jephunné. C'est pourquoi Hébron fut à Caleb, fils de Jephunné Kénizien, en héritage jusqu'à ce jour, parce qu'il avait persévéré à suivre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Or le nom d'Hébron était auparavant Kirjat Arba, et Arba avait été un fort grand homme entre les Anakins. Et le pays fut tranquille sans avoir guerre.